Aimer est aussi un voyage. Voyage dans le temps, dans l'absurde, voyage dans la tête. Et d'ailleurs, qu'y a-t-il dans nous de plus authentique, de plus personnel que le rêve ? Radio Différence, tous les jeudis à 21h40 sur Radio Alternante. Alternante, 98.1 sur Nantes, 91 sur Saint-Nazaire.